La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a 100 ans, les années 20 s'apprêtaient à faire souffler sur le monde un esprit de fête et de liberté, matinée du désenchantement engendré par l'absurdité qu'avait été la Première Guerre mondiale qui venait de se solder par des millions de morts. Nous retournons durant 2 semaines revisiter ces années folles à travers quelques-unes de ces figures, comme par exemple celle de Jacques Rigaud, écrivain dadaïste suicidé quelques jours après le crash de 1929, la trentaine à peine dépassée, et qui reste l'incarnation de cette décennie rugissante, comme nous l'a raconté hier son biographe Jean-Luc Bitton. Et puis après cette première émission d'hier, nous nous consacrons jusqu'à jeudi au peintre et photographe Man Ray, sur l'œuvre de qui Emmanuel Delécoté reviendra demain, avant qu'Alain Sayag n'évoque jeudi un Man Ray photographe de mode, en marge de l'exposition qui se tient en ce moment à Marseille sur ce thème, et que Carole Horouet ne ponctue ce cycle en deuxième partie de la même émission, avec un focus sur le film L'Étoile de mer. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie du photographe américain, nous sommes en compagnie du journaliste et écrivain Serge Sanchez. Il a publié en avril dernier l'essai « Le homard de Flaubert et autres animaux de la littérature ». C'est aux éditions Grasset. Grasset, où il avait déjà publié les biographies de François Augérias et de Brassailles, avant de rédiger donc celle de Man Ray, mais cette fois dans la collection Folio Biographie des éditions Gallimard. Bienvenue à tous, voici la compagnie des œuvres. Alors j'ai essayé de tourner la photo pour exprimer les choses que je ne pouvais pas exprimer en peinture. Comme je dis, je peignais les choses que je ne pouvais pas photographier et je photographiais les choses qui étaient trop difficiles à peindre, n'est-ce pas? J'admets, j'avais une très grande connaissance technique dans tous les domaines graphiques, mais c'était une question d'économie pour moi, d'arriver au but le plus vite possible si j'avais une idée. Alors là, c'est soit la photo ou la peinture. Comme aujourd'hui, on voyage par train ou par avion. On n'abandonne pas l'un pour l'autre, vous comprenez? Et bonjour Serge Sanchez. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vient d'entendre à l'instant Man Ray. Il était interrogé en 1957 par André Parino. Et il explique que finalement, il est autant dans la peinture que dans la photographie. Et vice-versa, est-ce qu'on peut dire ça? Alors Man Ray a varié ses déclarations au cours de sa vie en réalité, parce que il a dit parfois que la photographie finalement était très ennuyeuse pour lui, était une technique qui ne lui servait qu'à gagner sa vie, que lui était peintre et qu'il voulait être reconnu dans l'histoire de l'art pictural. À d'autres périodes, il a mis en valeur la photographie. Enfin, il s'est beaucoup contredit là-dessus, et bien ce qu'il dit là, ce qu'il vient de dire à l'instant, est très juste. En réalité, il a mené les deux de front. Il a surtout été reconnu comme photographe. Et il a eu beaucoup de mal, en revanche, à faire son entrée dans l'histoire de l'art, de manière plus générale, pour ses peintures et ses objets. Alors, c'est tout de même au départ un peintre qui désire être peintre, mais qui va considérer que la photographie est aussi belle que la peinture. C'est l'un des premiers, peut-être, à les mettre sur le même plan. Ça n'est pas un des premiers, parce qu'il y avait eu avant lui des photographes qui faisaient de la photographie, comme Steichen par exemple, mais c'était des pictorialistes qui faisaient de très jolies photos, elles étaient très esthétiques. Man Ray, lui, a détourné, s'est servi de la photographie comme d'un vecteur artistique, c'est-à-dire qu'il a fait des photos qui n'étaient pas esthétiques particulièrement, mais qui pouvaient être là pour choquer, pour faire entrer ceux qui les regardaient dans un autre monde. Il était déjà surréaliste. Et puis il a été un grand innovateur, on va en parler jusqu'à jeudi dans cette compagnie des œuvres. Alors parlons de la vie de Man Ray, Serge Sanchez. Il est né à Philadelphie le 27 août 1890, mais à l'époque, il ne s'appelle pas Man Ray. Non, il s'appelle Emmanuel Radnitsky. Il est issu d'une famille pauvre. Il faut dire les choses comme elles sont. Ses parents étaient des immigrés russes qui étaient arrivés aux États-Unis, donc s'étaient installés à Philadelphie. Immigrés parce que juifs. Parce que juifs et que les pogroms étaient extrêmement sévères. Donc ils avaient fui la Russie, tout simplement. Et donc, avec ses souffrances, ils sont arrivés aux États-Unis. Son père s'est installé comme tailleur et faisait vivre toute la famille avec ce travail très modeste. Il faut dire que la vie avait été rendue impossible par Alexandre III aux Juifs dans ce pays. Est-ce que le fait d'être juif a eu pour Manet des conséquences? Est-ce que c'était quelque chose qu'il pouvait soit revendiquer ou dont il a pu souffrir? Alors, ce n'est pas quelque chose qu'il revendiquait. En revanche, c'est quelque chose qui s'est inscrit dans son inconscient, si on peut dire, pour utiliser un mot un peu bagnodé. Enfin, c'était en révolté. Ce qui se conçoit facilement quand sa famille a été à ce point torturée, il est normal qu'on se révolte contre la société, par exemple. Donc tout de suite, il a été contre le capitalisme, il naviguait étant jeune plutôt du côté des anarchistes. Ça se conçoit. Alors, parlons un peu de ses parents. Son père s'appelle Melak, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Il embarque donc sur un bateau, le Bremen, à destination de New York, encore très jeune. Mais avant cela, on lui a présenté alors une jeune fille, bon, mais un petit peu en passant presque. Oui, tout à fait en passant. C'est son père qui s'est fait entremetteur, en réalité. Donc, le grand-père d'Emmanuel, qui avait remarqué cette jeune fille chez un pharmacien, parce qu'elle était aide, tout simplement, elle servait à la caisse. Et c'était un cœur à prendre. Et il s'est dit, bon, ben, je vais œuvrer et rapprocher mon fils de cette jeune personne. Voilà, il a tellement bien œuvré qu'ils ont fini par s'écrire. Ensuite, le père de Manet est parti aux États-Unis et sa future femme l'a rejoint. Donc quelques mois plus tard, mais presque un an ou deux quand même. Oh, assez rapidement, quelques mois plus tard. Ou quelques mois plus tard, en tout cas, elle arrive aux États-Unis, puis immédiatement, ils se marient quasiment. Ils se marient immédiatement, mais la première nuit, qui est la nuit de noces, eh bien, ils ne la passent pas ensemble. Voilà, elle partira chez sa sœur quelques temps, et ensuite la vie commune reprendra à ce moment-là une tournure différente, et ce sont des gens qui le mariage était bienvenu, puisqu'ils ont eu une vie de couple tout à fait, comment dire, très très soudée, quoi. Oui. Bah, c'est-à-dire que c'est un mariage sur un projet, et le projet c'est de fonder une famille et d'avoir des enfants. C'est juste. Et c'est ce qu'ils vont faire. Le premier c'est donc Emmanuel, le futur Manet, on a dit le 27 août 1890, et puis il y a trois autres enfants, Samuel, Dora et Elsie, la plus jeune. Vous dites que, presque pour saluer la naissance de Manet, le jour où il est né, ou le moment où il est né, c'était aussi le moment où les premières automobiles arrivaient à Philadelphie. Oui, le monde changeait, le monde bougeait. C'est-à-dire que c'était non seulement l'industrialisation avait eu lieu déjà en Europe, mais il faut bien remarquer que lui est né à Philadelphie. Ensuite, la famille a déménagé à New York. Et New York, c'était quand même la ville par excellence du bruit, du mouvement, de l'automobile. Enfin, c'est un petit peu une grande mégalopole, pas comme on la connaît aujourd'hui, mais enfin, ça s'en rapproche. Tout de même. Et c'est important pour l'art de Manet, ce tumulte? C'est important ce tumulte, oui, parce que ce brassage va être très inspirant. D'un certain point de vue, enfin, l'art n'est pas déconnecté de la vie sociale et de l'environnement. Et si le dadaïsme a eu lieu, c'est bien qu'il était dans un environnement aussi qui était socialement très tumultueux. Ouais. Et donc, à ce tumulte va correspondre un art qui, lui aussi, sera tumultueux. D'ailleurs, est-ce qu'il était, pardonnez-moi, sensible à une certaine sauvagerie? Vous notez que, certes, c'est le progrès, l'Amérique, mais c'est aussi l'invention de la chaise électrique, à peu près dans ces années-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de la sensibilité de l'enfant qui pouvait s'en trouver affecté d'une manière ou d'une autre de cet environnement-là? Alors, je le suppose. Tout le bien et tout le mal vient en même temps. Il n'y a pas de séparation entre le bien et le mal. C'est tout à fait une chose unique, un mouvement semblable qui produit la chaise électrique et la fusée, façon on peut dire. C'est surtout du point de vue des matériaux, du point de vue extrêmement matériel. Il avait à sa disposition des matériaux qu'on ne connaissait pas auparavant. On ne pouvait pas, par exemple, à New New York, il n'était pas question de faire de l'impressionnisme comme l'avait fait Van Gogh, enfin, qui allait en Arles. Enfin, donc, il fallait représenter la vie moderne. Mm-hmm. Mais comment la représenter ? Est-ce qu'on a utilisé des techniques anciennes pour représenter des choses modernes ? Non, il fallait inventer une nouvelle façon de montrer la ville moderne, de la faire sentir, de la faire toucher, de la toucher. Mais est-ce que vous diriez qu'il fait corps avec la modernité ? Parce que quelques années plus tard, on va y venir, il va aller vivre un petit peu dans le New Jersey avec sa première femme, un peu à la Sorrow, comme un homme des bois. Quel est son rapport avec le moderne ? Il y a ce double mouvement chez Man Ray. Enfin, il y avait à l'époque une école de peinture qui s'employait à représenter de manière picturale la ville, enfin tout ce qui pouvait en faire partie, y compris dans ses mauvais aspects. Enfin, Man Ray, lui, a toujours été sensible, a été comme une éponge en fait. Il avait absorbé absolument tous les mouvements de son temps, et déjà très jeune, c'est ce qui est remarquable. En même temps, il avait ce besoin un peu comme un ermite, de retourner une sorte de vie sauvage, en effet, extrêmement méditative, d'une certaine façon. Mais son rapport à la photographie, c'est aussi un rapport à la modernité, quand même. Bien sûr, oui, c'est juste, c'est juste. C'est vrai qu'il a acheté un appareil photo, il était aussi, c'était quelque chose d'inhabituel. Il s'agissait d'un petit appareil photo, comme on en connaît encore maintenant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il était manipulable, très facilement. Alors qu'auparavant, les appareils étaient avec des plaques, c'était un matériel très lourd. Man Ray, lui, avec un Brownie, donc on pouvait faire des photos de famille. Donc là, il y avait un rapport à la modernité, en effet. Je dirais que le rapport à la modernité, pour Man Ray, c'est surtout fait dans la contestation sociale. C'est là qu'il est moderne, surtout. What do you do? What do you do in the bath? Toujours la compagnie des œuvres sur France Culture. Nous parlons de Man Ray avec vous, Serge Sanchez. Man Ray, qui a été un gamin turbulent, hein, on continue de faire son portrait. Il a d'ailleurs fait son autoportrait, lui, à la fin de sa vie. Il se décrivait un peu comme un chef de bande, hein, c'est ça, quand il était gamin. Tout à fait, il se décrivait comme un chef de bande, un petit voyou qui est resté jusqu'à la fin de sa vie. Il faut l'espérer, c'est une bonne chose pour un artiste. Il faut toujours être un voyou quand on est un artiste. Oh, je pense. Donc c'était un garçon assez petit, mais qui pourtant exerçait un véritable ascendant sur ses camarades, aussi bien que sur ses frères et sœurs. Il faisait tout un tas de bêtises, mais il avait des dons artistiques très importants, Serge Sanchez. Oui, il avait surtout des dons de fabricateur un petit peu. C'est-à-dire qu'il pouvait prendre des objets, les assembler, et puis comme lui se disait, j'étais une sorte de petit Léonard Vinci, c'est-à-dire que je créais des choses. Voilà, il était toujours plein d'idées saugrenues parfois, parce qu'il entraînait ses camarades dans des mésaventures dont lui était responsable, mais il s'arrangeait toujours pour que les autres se fassent coincer par les mères respectives et se fassent disputer. Lui échappait comme ça aux disputes. Voilà. Le rapport avec Léonard, c'est le côté touche à tout, à la fois la peinture, mais aussi, comme vous le dites, les objets et bien sûr la photographie. C'est exact, le côté technique. Hein, le côté technique, Man Ray était extrêmement précis dans ses réalisations. Alors il a exercé tout un tas de métiers, vendeur de journaux, graveur de pommeau de canne, employé dans une officine publicitaire. Ça, il va rester longtemps quand même dans une agence de publicité. Bien, une dizaine d'années qui lui permettront d'acquérir justement une technique froidement mécanique qui sera importante, qui est importante dans son œuvre. Même si l'instinct prévaut chez Man Ray, on peut reconnaître cette chose, c'est que cet instinct est servi par une technique extrêmement précise. Alors là, on est dans les années 1911, à peu près au début des années 10 en tous les cas, et en marge de son travail, il fréquente beaucoup cette galerie 291. Vous avez parlé tout à l'heure de Stieglitz. Justement, c'est la galerie de Stieglitz. Et là, il découvre tout un tas de peintres. Il y a comme ça une volonté, déjà, alors que c'est quelqu'un qui vient peut-être pas d'un milieu où c'est très évident, de s'approcher de l'avant-garde culturelle de son temps. Oui, c'est extrêmement remarquable, en effet, vous avez raison, parce que Man Ray, venant d'un milieu extrêmement modeste et tout à fait indifférent à l'art, très jeune, à l'âge de 18 ou 20 ans, fréquente la galerie 291 de Stieglitz, qui est le lieu par excellence de passage entre l'art européen, l'art de la France en particulier, et les États-Unis. C'est un véritable pont. Il était très en avance sur son temps, Stieglitz. Très en avance, grâce à Steichen, qui était une sorte de VRP de l'art, quoi. C'est-à-dire que Steichen, le photographe, connaissait à Paris tout ce qui comptait de comme Brancusi, Picasso, etc. Et ramenait des œuvres. On pouvait voir dans cette petite galerie de New York des œuvres aussi bien de Rodin que de Picasso ou d'autres. Enfin, ouais. Donc c'est un moment d'initiation. On peut l'imaginer pour Man Ray. C'est un très fort moment d'initiation, oui, parce qu'il pouvait contempler les œuvres venant de France, mais aussi parce qu'il avait des discussions au sujet de l'art, ouais, et qu'il pouvait, lui, y répondre et se situer par rapport à ça et se construire à travers ces discussions. Mmh. Oui, parce qu'il sait qu'il veut être artiste. Il a dit à sa mère, je serai architecte, un peu pour la rassurer, mais finalement, il sait qu'il veut être peintre. Et une de ses premières œuvres, c'est d'ailleurs encore un rapport aux parents, c'est fait avec du tissu, je crois, de l'atelier de son père. Oui, c'est une sorte de tapisserie, en effet, composée avec des tapisseries récupérées dans l'atelier de son père. Alors, c'est très intéressant, parce que là, il ne s'agit pas de peinture à l'huile, c'est pas une traditionnelle, ce n'est pas très classique. Il s'agit déjà un peu d'un objet, et d'un objet chargé de quelque chose, puisque c'est la figure paternelle qui résonne dans cette œuvre. Ça n'a l'air de rien, mais on est là en 1900, on est avant-guerre. Mm-hmm. Il n'y avait pas eu encore... les cubistes collaient parfois des choses sur leur toile, des objets rapportés sur l'œuvre. Là, il s'agit d'une œuvre complète. Mmh. Et qu'il va signer, d'ailleurs. Et qu'il va signer, oui. Man Ray. Man Ray. C'est la première fois. C'est la première fois, oui. Ouais. Pourquoi ce Man Ray? Man Ray, parce que les parents étant immigrés juifs, le nom de Radlinsky les gênait, voilà, et pour mieux s'intégrer, ils avaient décidé d'enlever la partie centrale de leur nom, hein, et de raccourcir le nom en Ray, R-A-Y, donc, et lui, Emmanuel, donc, on l'appelait Mani, ouais, et il a aussi raccourci son nom, et ça donnait Man Ray, ce qui était très plaisant, puisque là, il y a à la fois la lumière, et le soleil, enfin. Et l'homme. Et l'homme, voilà. L'homme-lumière, tout de même, prémonitoire. Quand j'ai quitté le Beaux-Arts à New York, j'étais furieux. J'ai même renoncé à faire la peinture. J'étais tellement mauvais sujet, mauvais élève dans l'école des Beaux-Arts, que le professeur, le peintre qui m'a conseillé d'abandonner mes efforts... Je ne valais rien du tout, je ne ferai jamais la peinture qui vaille quelque chose. Alors je lui ai pris au mot et je suis parti. Mais quelques semaines après, la rage m'a pris de faire la peinture. J'ai commencé à peindre n'importe quoi et n'importe où, n'est-ce pas? J'ai peigné mes rêves en 1912. Et c'était bien avant Dada, ou le surréalisme même. Et j'ai continué vers 1913 avec la grande exposition moderne à New York, dans une grande salle où toutes les peintures européennes, cubistes, futuristes, orphistes, tout était là. Et pour moi, c'était une grande libération aussi, une grande inspiration. Pour vous, Dada, qu'est-ce que cela représente exactement? Qu'est-ce que cela a représenté tout d'abord? Un départ de la peinture, de l'art. Un échappement, une évasion de l'art. Comme je l'ai vu autour de moi, comme tout le monde le pratiquait, les peintres, les marchands de tableaux, les collectionneurs, j'étais contre tout ça. Je voulais créer quelque chose qu'on pouvait pas exposer, même dans une galerie. J'ai fait tous mes efforts pour ça. J'ai fait la peinture au pistolet. Je les exposais. J'étais bien engueulé pour ça, par tous les critiques. Nervous tension can cause you to lack confidence in yourself, to lose your powers of concentration, and to be inefficient in your work. Et oui, la peinture au pistolet, ça veut tout dire, Serge Sanchez. On entendait ici Man Ray interrogé toujours par André Parrino en 1957. Alors à partir de 1912, il va fréquenter ce qu'on appelle le Centre Ferrer. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet étrange endroit qui lui correspondait très bien? Le centre Ferrer avait été créé par Emma Goldman, qui était anarchiste. Alors évidemment, on y pratiquait l'enseignement de l'art, mais cet enseignement de l'art débordait sur la vie. C'est-à-dire que l'amour y était très libre, comme l'enseignement, et aussi l'engagement politique. On avait des idées extrêmement novatrices et révolutionnaires au centre Ferrer, ce qui correspondait pour Man Ray, évidemment, à son instinct personnel. Il était une fois de plus, et ça on s'en apercevra tout au long de sa vie, au bon endroit quand il le fallait, très jeune et tout de suite. Mm-hmm. C'était l'endroit un endroit d'émulation extrêmement important. Vous pensez qu'il a eu cette science de savoir exactement où aller au moment où lui en avait besoin dans sa vie ? C'est une question qu'on peut se poser, mais je pense que les choses se sont agencées comme ça parce qu'il était lui. Certainement, maintenant on ne peut pas choisir où l'on va. L'école Ferrer existait, il l'a trouvée et c'était une chose merveilleuse. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, aurait-il pu dire avec un certain nombre d'amis qu'il rencontre à ce moment-là à l'école Ferrer. Comme par exemple Samuel Alpert, alors qui lui avait vécu en France quelque chose qui ressemblait un petit peu au centre Ferrer avec l'abbaye de Créteil. Oui, c'est exact, c'est exact. Il est vrai que les idées qui émergeaient aux États-Unis à l'époque venaient souvent d'Europe. Ce qui est assez merveilleux, c'est que ce petit centre new-yorkais dans lequel baignait Man Ray a innové, a apporté des choses qui n'existaient pas encore en Europe ou qui existaient simultanément. C'est un peu ça, c'est qu'il y avait quand même un apport spécifique de l'Amérique à ce moment-là, grâce à un petit nombre de gens dont faisait partie Man Ray déjà. Alors, quelques noms, Adolf Wolf, par exemple, dont il parlera dans son autobiographie à la fin de sa vie, sous le nom de Loupov, c'est un sculpteur, un poète anarchiste, là aussi, qui enseigne à l'école Ferrer. C'est à ce moment-là aussi qu'il rencontre donc celle qui deviendra sa femme, Adonne Lacroix, c'est comme ça qu'on prononce Adonne. Adonne Lacroix, oui, qui était d'origine belge, une poétesse d'origine belge, femme d'Adolphe Wolf, auparavant, qui était la compagne, voilà, c'est ça. Et finalement, c'est grâce à lui qu'il la rencontre et il devient son mari. C'est ça, il devient son mari et Adonne sera une initiatrice à la fois sensuelle, bien entendu, mais aussi au point de vue de la littérature, parce qu'elle connaissait parfaitement Apollinaire, Lautréamont, Mallarmé, qu'elle a lu à Man Ray, au jeune Man Ray, et tous ces poètes seront, Lautréamont particulièrement, les poètes fondateurs ou inspirateurs du surréalisme dans lequel Man Ray ensuite tiendra une grande place. Et c'est donc avec elle qu'il va s'installer un petit peu dans le New Jersey, dans cette petite ville de Richfield. Bon, c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas tellement les moyens, sans doute, de vivre à New York. Oh, il y avait le rêve, vous savez, qui persiste chez beaucoup d'artistes, de renouer avec la nature fondamentale. Le premier inspirateur de l'art à l'époque, c'était la nature. Après, Man Ray s'en était détaché, mais même Picasso pensait que la nature était l'inspiration suprême et première. Donc, il fallait se retirer, vivre dans une sorte d'ermitage pour retrouver des liens sauvages. Et puis, tout ça était lié aussi à l'histoire de l'Amérique. Il y a un trappeur qui sommeille en tout Américain digne de ce nom, quoi. C'est un moment aussi où il y a cette revue de poésie, The Glebe, à laquelle il participe avec des poètes très connus comme Ezra Pound, par exemple. Donc, il est quand même pas non plus totalement retiré dans sa campagne. Oui, mais ça, on voit aujourd'hui, plus de 100 ans après, les choses comme ça. Mais enfin, c'était une sorte de miracle, en effet, de trouver Ezra Pound ici. C'était une sorte de miracle. Qu'un homme comme Marcel Duchamp débarque tout à coup à Richfield. C'était tout à fait inattendu et imprévisible. Il avait Marcel Duchamp et avait deux, trois auteurs qui étaient arrivés, c'était pendant la Première Guerre. Il y avait Edgar Varèse, le compositeur, qui maintenant, on a découvert dernièrement, on parle de lui, on joue sa musique. Il y avait Francis Picabia qui venait pendant la Première Guerre de temps en temps en Amérique, alors j'ai rencontré Picabia, mais à cette époque je ne parlais pas un mot français. Duchamp a appris l'anglais très vite, Et alors, on s'entendait très bien. Il n'y avait pas même très peu de discussions entre nous. On s'entendait, on collaborait, toujours ensemble. Surtout quand on jouait aux échecs. The first one was in 1913. It was a bicycle wheel. Just an ordinary wheel? An ordinary wheel, a bicycle wheel, on a stand. I would turn it as I passed by. Alors Serge Sanchez, comment se passe la connexion Man Ray-Duchamp qui va être tellement importante, on peut dire peut-être pour les deux, on a envie de dire pour Man Ray, mais sans doute pour les deux. Elle était importante pour les deux, à mon avis, en effet. La collection s'est faite de manière curieuse. C'est un collectionneur qui s'appelait Arensberg, qui connaissait des gens à Richfield, qui est venu en visite, qui a amené Duchamp. Et tout de suite, Man Ray ne parlant pas le français, ils ont joué aux raquettes. Ils ont fait une partie de raquette, et cette partie de raquette, on pourrait comme ça dire, extrapoler et dire qu'elle a duré jusqu'à la fin de leur vie. Ils sont restés très très proches, et les influences ont été, ils ont collaboré sur certaines œuvres, et les influences à la fois artistiques et humaines ont été précises, ont été fortes. Je crois que Man Ray apportait le côté un peu instinctif, direct, immédiat, et que Duchamp, on sait que Duchamp, travaillait des années sur ses œuvres, alors que Man Ray, lui, il pouvait faire une œuvre en 5 minutes, une œuvre express. C'est marrant parce qu'on a tendance à se dire que finalement, acheter un urinoir et le signer, c'est plutôt une œuvre express, mais... Mais je suppose qu'il y avait réfléchi avant. On espère qu'il y avait réfléchi avant. Il était connu déjà, Duchamp, aux États-Unis à ce moment-là. Il était très connu. Il était très connu. Il avait fait connu par la voie du scandale, puisqu'il avait à l'Armory Show, grande exposition dans laquelle on pouvait trouver aussi bien des impressionnistes et, comme l'a dit Man Ray tout à l'heure, des orphistes, des cubistes, enfin, de l'art contemporain du temps. On y trouvait aussi. C'était une manifestation extrêmement. Où il y a eu des millions de visiteurs. Et Duchamp a exposé là le nu descendant en escalier, qui était une sorte de toile cubiste en mouvement, on pourrait dire ça comme ça, pour la décrire rapidement, et qui a fait un véritable scandale. Les critiques étaient absolument outrées par cette toile particulièrement. Donc Duchamp est devenu tout de suite célèbre aux États-Unis, et il a continué cette carrière, et il est devenu américain lui-même d'ailleurs, par la suite. C'était une importation de Dada aux États-Unis ? Alors, ce n'était pas encore Dada à l'époque, puisqu'on ne l'appelait pas comme ça, et que Duchamp n'était pas dadaïste en ce temps-là. Là, on parle, en fait, quand on parle de Duchamp et de Man Ray, on a affaire à des électrons libres. Alors, évidemment, ils ont appartenu ou été compagnons de mouvements très importants au XXe siècle, mais il s'agissait avant tout d'électrons libres. Ce qui les rapproche peut-être, c'est une conception de l'art où la technique picturale, elle est importante, mais enfin, on voit bien qu'ils sont dans un art qui est déjà plus conceptuel que ça. Et c'est exact, oui. Là, une des grandes phrases de Duchamp, c'est de rompre avec le geste de peindre, le geste, le pinceau et la peinture, donc de passer à autre chose et d'enrôler finalement le réel dans sa totalité dans l'œuvre d'art. Alors, la totalité, ça veut dire à la fois aussi bien la réalité visuelle du monde moderne, mais aussi ses résonances métaphysiques et symboliques. L'œuvre d'art devient une totalité et elle n'est pas conçue ni fabriquée à ce moment-là avec une toile à 2 dimensions. Elle peut être à peu près n'importe quoi. Mais ce côté intellectuel de Duchamp, c'est pas tellement l'approche de Man Ray quand même. Ah, je crois que je pense que Man Ray avait vous savez, je pense qu'il avait intégré beaucoup de techniques et que ces techniques ressortaient de manière instinctive, immédiate. Mais il y avait eu beaucoup de travail avant. Duchamp, c'était un petit peu différent en effet, parce qu'il réfléchissait, il conceptualisait, il réalisait après. Théoriquement, c'est l'image de Duchamp qu'on donne habituellement. Mais il faut quand même préciser que Duchamp avait beaucoup d'humour. Et c'est une chose qu'on oublie un petit peu trop souvent. C'était aussi quelqu'un qui aimait rire, qui aimait les jeux de mots, qui aimait tout ce fatras aussi, qui lui est direct. Vous voyez, c'est un personnage ambigu, Duchamp. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors là, on est à peu près dans les années 1915. Il y a la première exposition, à ce moment-là, de Man Ray. Il y a l'histoire de leur couple avec Adon. C'est un couple un peu diabolique, hein, vous le décrivez très bien dans votre biographie, Serge Sanchez. Ça ne va pas tous les jours très très bien. Mais ça ne va jamais très bien dans tous les couples, on peut dire ça comme ça, mais là il est vrai que... Tout le monde ne se fait pas fouetter. Oui, c'est juste, enfin ça j'ignore ce qui se passe chez les autres, moi je ne le fais pas personnellement. Engageons que tout le monde ne le fait peut-être pas. En tout cas, bon, elle a un amant cubain, enfin bon, tout ça se passe quand même assez mal, et puis ils vont du coup se séparer, mais à quel moment ? Ils se séparent insensiblement, et puis... En particulier, lorsque Man Ray quitte les États-Unis pour la France, là, la rupture est là, matériellement accomplie, si je peux dire. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Serge Sanchez, la photographie, ça ne vient donc pas tout de suite hein, dans l'histoire et la carrière de Man Ray. On l'a dit, quand il était petit, c'était plutôt la peinture. C'est aussi ça qu'il apprend à l'école des Beaux-Arts. Comment ça se cristallise ? Comment est-ce que finalement il en vient à s'intéresser à ce médium-là ? Il avait commencé la photographie en photographiant des œuvres et en faisant quelques portraits souvenirs, si on peut dire. C'était tout à fait une application normale et innocente de la photographie. Quand même, Station l'avait quand même initié. Il avait appris la technique de manière très précise et il était très très bon là-dedans avec Station, qui était un grand photographe. Et c'est par la suite, lorsqu'il sera à Paris surtout, qu'il va se servir de la photo comme d'un moyen de gagner sa vie. Alors là, la photographie prendra une importance capitale dans son existence. Alors ça, c'est intéressant. Vous dites qu'il a commencé à photographier des œuvres, les œuvres des autres. C'est tout de même étonnant, ça, d'être un artiste et de commencer en photographiant mieux que les autres, parce que c'était pas le premier à photographier des œuvres, mais visiblement, plus tard à Paris, tous les artistes de Montparnasse vont lui demander, lui, de photographier des sculptures, des peintures. Pourquoi ? Oui, parce que même à Paris, même Man Ray étant Man Ray, c'était en produisant des œuvres quand même capitales, on le sait maintenant, il était surtout connu comme photographe. Alors, on l'appelait pour photographier des œuvres ou faire des portraits. Et lui, ça le faisait un petit peu rager, parce qu'il disait, moi, la photographie n'est pas pour moi, la chose principale, c'est mes créations. Mais ça va devenir la chose principale. Et quand il va comprendre qu'il peut faire de l'art avec de la photographie, tenez par exemple, en 1920, il va photographier des draps sur une corde à linge. C'est autre chose que de photographier des œuvres d'art de ses amis. C'est exact. Ce sera toujours la technique de Man Ray de détourner en fait tout ce dont il se servira et de se servir de la photographie de manière nouvelle en créant des photos qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire qui ne sont pas composés, qui ne sont plus des portraits, mais qui ont une existence qui leur est propre, en quelque sorte, qui se dégage de ce qu'on fait habituellement avec elles. En particulier avec les rayographies ou les solarisations, qui sont des erreurs, en utilisant les erreurs et surtout en se détachant de l'esthétique. Voilà, ça c'est très important, puisqu'on aimait la photo esthétique, comme la peinture, et Man Ray n'attachait aucune importance à ce fait-là. Il y a peut-être même un dégoût pour l'esthétique. Il y a sans doute un rejet, oui, je pense. Et pourtant, enfin, on le verra jeudi, il y a aussi Man Ray, photographe de mode, qui est un photographe de l'esthétique aussi. Alors, aux États-Unis, Man Ray souffre, Serge Sanchez, de ne pas être compris. Bon, il faut dire qu'il produit des choses qui ne s'adressent pas tellement à un grand public, mais peut-être qu'il n'est pas compris non plus par les milieux de l'art. Tout à fait. Il y a un moment, il a commencé à se dire, maintenant, je vais être moi-même. En quelque sorte, je vais être Man Ray. Et alors là, il a cessé de faire des paysages et de présenter, en particulier à la galerie Daniel, qu'il exposait, des choses, des objets qu'on ne comprenait pas, dont on se disait, mais c'est simplement de la provocation. Mais pas du tout. Pour Manresse, c'était extrêmement important. Mm-hmm. Et donc, il se sentait perdu en province. Pour lui, le centre de l'art, à l'époque, c'était Paris, et c'est là qu'il désirait aller. Et oui, New York, cette province. C'est Duchamp qui retournait de temps en temps en France parce qu'il s'était installé en Amérique. Alors, en 21, le printemps, il est parti pour faire un stage à Paris. Il y avait des gens à voir, des choses à faire. Et je lui dis, je vais te suivre aussi. Dès que je peux arranger mes affaires ici, avoir de quoi prendre le bateau, je viendrai. Et quelques mois plus tard, j'ai pris le bateau et je suis arrivé à Paris le 14 juillet, qui pour moi est une révolution. Il y avait les lanternes, les lampions et les drapeaux. Oui, des danses dans les rues, tout ça. Seulement, Duchamp m'avait amené au Café Certa, où tous les jeunes dada se réunissaient. Et là, le premier soir de mon arrivée, j'étais assis au Certa, entouré de Breton, Elouard, Aragon, Philippe Soupault, Frankel. Je ne parlais pas un mot français à cette époque. J'ai mis 5 ans pour apprendre comment commander un café même. Alors l'histoire de Manet avec la France, Serge Sanchez, c'est quoi? C'est une histoire d'amour, c'est un destin qui tout d'un coup se trouve dans un autre pays? Eh bien, d'abord, il faut quand même se souvenir que Manet revient en Europe, qui était le berceau d'origine. Alors la France n'était pas évidemment la Russie, mais tout de même, c'était quand même l'Europe. Hein. C'était le bon côté de l'Atlantique pour lui. Et puis alors, il y avait l'art. Manet adorait Paris. Il était... Il s'est inclus totalement dans ce qui l'entourait. Il était amoureux de Montparnasse. Et même lorsqu'il est retourné aux États-Unis par la suite, il y avait cette nostalgie toujours restée. Et c'est là qu'il fréquente, alors on en a parlé hier hein, dans l'émission introductive de cette série sur Jacques Rigaud, il fréquente le Certa par exemple, donc il va voir Jacques Rigaud, hein. D'ailleurs il en parle à certains moments, il se promène dans ce Paris qui est réellement une fête à cette époque-là, et puis donc il voit alors tous les noms qu'on connaît du Paris de l'entre-deux-guerres, Gertrude Stein par exemple... Il a connu tout le monde, je crois. C'est ça qui est un petit peu frappant avec Manet, c'est qu'il avait ses entrées partout. Et par exemple, lorsqu'il arrive au Café Certa, le premier jour, il y a déjà une dispute entre les anciens dadaïstes et ce qui va devenir le surréalisme. C'est-à-dire que Breton est déjà en dispute avec Zara, mais Manet restera ami avec Breton et avec Zara. Ouais, ce qui est une performance. Ce qui est une performance. C'est un surréaliste alors finalement, puisqu'on en est à essayer de cartographier aussi dans cette émission. Écoutez, qui est Manet? C'est difficile de répondre de manière... pour répondre rapidement, je dirais que c'est un surréaliste à l'état brut. Il était surréaliste avant le surréalisme. C'est-à-dire Breton a bien enrôlé dans le surréalisme des gens qui précédaient le surréalisme, hein, même de très loin, dans le temps. Et donc je pense que Manet, en effet, était dans sa posture... Parce que ce qui est important, c'est ce qu'il a produit comme art, mais c'est aussi la posture qu'il avait dans la vie, était à proprement parler surréaliste, sans doute. Et puis, toutes ces fréquentations, évidemment, qui ne peuvent pas ne pas l'influencer. Ces fréquentations de Montparnasse, et à Montparnasse, eh bien, il y a une jeune fille qui va même être surnommée Kiki de Montparnasse, et elle va... avoir une importance évidemment très grande. Elle était l'incarnation même de ces années d'après-guerre. C'est-à-dire qu'elle, Kiki de Montparnasse, venait d'un milieu modeste, était très visible. Elle avait une gouaille qui pouvait s'entendre dans tous les bistrots de Montparnasse. Voilà, c'était quelqu'un qui était extrêmement vivant. Elle posait comme modèle pour les artistes. C'était son métier. Et elle était amoureuse, elle aussi. Elle incarnait réellement le Montparnasse du temps. Voilà, on peut dire ça. C'était une sorte d'icône, déjà. Donc c'est le deuxième grand amour, peut-on dire, de la vie de Manet? C'est un amour important, oui, qui a duré plusieurs années, parce que lorsque Man Ray a rencontré Kiki, bien, ils ont vécu ensemble plusieurs années. Elle a posé pour lui, pour des œuvres très extrêmement importantes, comme le violon d'Ingres, qui est une icône de la, hein, elle est nue de dos avec des ouïes de violoncelle sur le dos. Il y a celle-ci, il y a la photo de Kiki, le visage de Kiki avec une idole noire africaine, qui est aussi une photo importante. Donc elle a joué un grand rôle. Mais ensuite, évidemment, c'était le couple s'est délité petit à petit, parce que la vie qu'il menait, c'était une vie à la fois pour Man Ray importante d'un point de vue créatif, mais aussi une vie de fête et de disputes. Et de ma foi, les tentations sont grandes aussi de tromperies et toutes ces choses. Hein. En tous les cas, il y a toujours comme si il était nécessaire pour Man Ray de travailler avec les femmes qu'il aime. Ce sera le cas avec Kiki de Montparnasse, ce sera le cas aussi plus tard avec Lee Miller. L'amour et la passion, l'amour fou est le principal aliment de la création et pour les surréalistes, de manière générale sans doute, mais pour les surréalistes particulièrement. Il n'y a pas de création sans amour, c'est la base de tout. Qu'est-ce que c'est le surréalisme ? C'est la libre pensée. Pour moi, j'ai allé beaucoup plus loin. J'ai deux motifs quand je travaille, deux poursuites. Je poursuis la liberté et je poursuis le plaisir. Le plaisir, c'est un des signes du surréalisme, d'ailleurs, n'est-ce pas? On voudrait que tout soit plaisir, tout notre travail, n'est-ce pas? Je peux être pas d'accord avec tout ce qu'ils font, mais si je dois faire un choix, ce sera toujours les surréalistes. Vous pensez que la peinture doit être l'expression d'une idée. Et vous essayez, dans un tableau, nous dites-vous, de traduire vos idées. Toujours, toujours. Parce que la belle peinture ne m'intéresse pas du tout. Depuis les siècles, à tous les tournants, il y a des peintures magnifiques. On ne peut pas faire mieux que les anciennes. La seule chose qu'on peut faire, c'est quelque chose de différent. C'est ça qui donne notre valeur. Et nous faisons, les surréalistes surtout, essayer de faire quelque chose de différent. Si c'est bien ou mal, ça c'est encore à des critiques à décider, comme ils le font toujours, n'est-ce pas? Et ce que l'avenir va dire, ça je m'en fous complètement. Je travaille pour maintenant, à l'instant même. Même si vous me demandez quel est l'avenir du surréalisme, si je savais, je le pratiquerais maintenant. Compagnie des œuvres sur France Culture. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette archive, Serge Sanchez ? Je trouve que Man Ray est très juste. C'est ce qui est, pour moi... dans son discours, il n'y a aucune pause. Il dit exactement ce qu'il pense et ce qui a conduit toute sa vie, qui a été le guide de toute sa vie, à la fois le plaisir et et cette intransigeance qui met en premier la création. Envers et contre toute opinion autre et contre l'histoire. Il a dû se battre pour défendre cette idée-là et pour la mener à bien et pour la rendre visible. Vous voulez à dire travers les œuvres. Qu'il n'a pas souhaité s'engager, par exemple, de manière explicite politiquement. Alors la politique, non, pas. Il ne s'est pas engagé. Il l'a fait un petit peu au début quand il était jeune. Et ensuite, il s'est rendu compte que si l'artiste veut conserver son indépendance, et c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui survit au mouvement politique. Un mouvement politique appartient à l'histoire. Un artiste appartient à quelque chose qui est d'un autre ordre. Ce n'est pas de l'histoire. Il était antimilitariste, en tous les cas. Il a évité, en 1915, de partir en Europe faire la guerre. C'était cohérent avec ses opinions, avec celle de Duchamp, d'ailleurs, également. Bien sûr. Il a été antimilitariste à ce moment-là. Il était anti-nazi, tout à fait intransigeant avec l'arrivée des Allemands. Enfin, il avait des opinions politiques tout à fait marquées. N'empêche que ce n'est pas ce qu'il mettait en premier. C'était un artiste. Donc, il pensait qu'il fallait garder appartenir à un mouvement collectif affaiblissait finalement son expression personnelle. Voilà, c'était ça son idée. Il ne voulait pas qu'elle soit atteinte, il voulait la protéger. Et donc, Alors parlons un peu de Lee Miller quand même. Lee Miller a été extrêmement importante. Lee Miller, comme C'est une jeune américaine venant d'un très bon milieu, d'un très beau milieu. Un mannequin encore. Elle était mannequin, une femme elle mannequin. Était très belle. C'était une des plus belles femmes de Paris, autrement dit, des plus belles du monde, si je peux dire, en son temps. Et évidemment, elle était mannequin, et à l'époque, comme encore trop souvent aujourd'hui, les femmes étaient un peu, jouaient un rôle subalterne. On les honorait pour leur beauté, en quelque sorte. Elles étaient à la solde des hommes, mais les mineurs voulait être photographe. Elle voulait créer. Photographe de guerre, même. Elle a été photographe de guerre. Elle était la première à entrer, d'ailleurs, sur les lieux des grandes concentrations, entre autres. Et à prendre des photos dont on se souvient, qui sont absolument terribles. Mmh. Alors, la rencontre est assez amusante entre Lee Miller et Man Ray. Ben, Lee Miller voulait rencontrer Man Ray, l'avait décidé, l'admirait, elle voulait devenir son assistante. Elle est allée à Montparnasse, dans son quartier. Et Man Ray n'était pas chez lui, elle est allée au café où il avait ses habitudes. Voilà, on lui avait dit, il doit être au café de fleurs comme il dit toujours. Voilà, et en effet, Man Ray est arrivé et elle lui a dit tout de suite, écoutez, moi je veux travailler avec vous, je veux être votre assistante. Et il lui a dit, moi je ne prends pas d'assistante, j'en ai pas besoin, et puis d'ailleurs je pars en vacances demain. Mm-hmm. Et elle lui a dit, bah, moi aussi je pars en vacances. Voilà, et elles sont restées ensemble pendant plusieurs années, mm-hmm. à partir de là. Et alors, l'amour a été très très fort, mm-hmm. Mais il s'est là aussi délité. Je vous propose d'écouter d'ailleurs à ce sujet la lettre que Man Ray a envoyée à Lee Miller après leur rupture. Je t'ai aimé follement, jalousement. Lettre de Man Ray à Lee Miller. Mon amour a réduit toute autre passion en moi et pour compenser, j'ai essayé de justifier cet amour en te donnant toutes les occasions qui étaient en mon pouvoir d'exploiter ce qui était intéressant en toi. Plus tu progressais, plus mon amour était justifié et moins je regrettais tous les efforts vains de ma part. En fait, c'était pour moi une forme de réalisation beaucoup plus satisfaisante. En chaque occasion, tu as fait avec moi la moitié du chemin. J'ai essayé de faire avec toi un complément de ma propre personne et voilà que tu veux seul retrouver ton assurance. Mais tu ne fais que passer sous le contrôle d'un autre, un contrôle encore plus subtil et tyrannique. Tu le sais bien, depuis le début, j'ai mis à profit tout ce qui pouvait contribuer à ton talent, à ton bonheur. Même quand je courais le danger de te perdre, je ne me suis jamais permis d'intervenir qu'après coup, afin d'empêcher toute rupture brutale, afin que nous puissions revenir ensemble. Car toutes les disputes et les réconciliations sont une étape vers la rupture finale, et je ne voulais pas te perdre. Donc de Man Ray à Lee Miller, lu par Jean Lescaut. Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre, de leur relation ou peut-être de leur rupture, Serge Sanchez? Mais elle dit, à mon avis, deux choses. C'est-à-dire que la première, c'était, je pense que Lee Miller a été le grand amour de Man Ray, amour qu'il n'avait pas connu, avec qui il avait des relations de couple, mais enfin ça restait moins incandescent. Quelle qu'avec est la Lee différence Miller. Entre la les différence, deux. C'est qu'il était soumis à cet amour. Lorsqu'on est très amoureux, on est soumis à celui qu'on aime. C'est-à-dire qu'on devient fou s'il vous quitte. C'est ça la différence. C'est la passion, ça. C'est la passion. Mmh. Voilà. Et avec Lee Miller, c'était une passion aveuglante et aveugle, prenante, submergente. Et la seconde chose qu'il dit, qui est très importante, c'est qu'en effet, avec les femmes qu'il a aimées, il les a toujours aidées à être libres. Il ne les a jamais enfermées. Et il est vrai que Lee Miller a repris ses techniques photographiques. C'est construite. Les femmes qui aimaient Man Ray se construisaient à son contact, comme lui se construisait à leur contact. Mais voilà, il y avait une idée importante de poursuivre un chemin et non pas de faire un couple qui enferme les personnalités. Mm-hmm. Et les Miller, effectivement, lorsqu'elle est sortie de la sphère Man Ray, est devenu un très grand photographe. Mmh. Alors vous dites que à ce moment-là, dans les années 30, il a jusqu'à des pulsions de meurtre. C'est peut-être la conséquence aussi de cette rupture-là. Les pulsions de meurtre sont toujours, souvent, en tout cas chez Man Ray, liées à des pulsions de suicide. Man Ray avait dans toute l'ambiguïté de sa personnalité, comme presque tout en chacun, je dirais, des moments d'extrême énergie et d'extrême joie, mais aussi qui se mêlait avec une extrême dépression. Man Ray a toujours été dépressif. Mm-hmm. Ça se voyait plus ou moins selon les périodes. Mais à cette période-là, la dépression a été très forte quand Lee Miller l'a quitté. Mm-hmm. Et donc, il a créé effectivement des choses très sombres, des photographies en particulier, où il mime des scènes de suicide. Mm-hmm. Et il travaille à ce moment-là, comment, sans plaisir, dans une espèce de repli sur lui-même. C'est très étrange, parce que Man Ray, lorsque il avait ce genre de problèmes, pouvait se retrancher chez lui, abuser un peu de l'alcool peut-être, ou des choses comme ça, mais surtout il canalisait toutes ces pulsions négatives dans une œuvre d'art. Il créait de l'art qui représentait qui était un écho ou un miroir de son état intérieur. Mm-hmm. Et ça lui permettait de le dépasser. Alors sur le plan artistique et sur le plan de la reconnaissance, est-ce que ces années vont continuer à le porter au pinacle? Est-ce que ça va être plus difficile et ça jusqu'à la fin de sa vie? Comment ça se passe? Du point de vue de la création, Man Ray a toujours créé, a toujours été extrêmement efficace dans ses créations. Il a de plus en plus exposé, il était très très connu, il exposait partout, mais on le connaissait surtout comme photographe, c'est ce qui le rendait fou, c'est-à-dire qu'il était une sorte de il était très demandé partout, dans les expositions, par exemple, qui célébraient le dadaïsme, qui s'était fini il y a 15 ou 20 ans avant, dans les expositions surréalistes. Enfin, il était très demandé, exposé partout, et on ne le connaissait que Man Ray photographe. Alors qu'il y avait des tableaux auxquels il tenait beaucoup, comme Le Beau Temps, par exemple, un grand tableau de 2 mètres sur 10. Oui. Pour vous, est-ce qu'il est autant, aussi intéressant comme peintre que comme photographe? Parce que ça perdure encore aujourd'hui. Ça perdure encore aujourd'hui, bien entendu. Ah oui, comme peintre, il est aussi intéressant que comme photographe, bien entendu. Même, c'est même un des grands peintres, un des peintres primordiaux du surréalisme. Ça ne fait aucun doute. Peintre et sculpteur. Si on veut parler de sculpture, lorsqu'il s'agit d'objets, mm-hmm. on parle plutôt d'objets, puisque ce sont des objets pris dans le... confrontés les uns aux autres et détournés. Alors on va aller très vite sur la fin de sa vie. Il y a des allers-retours avec les États-Unis. Est-ce qu'il va penser un moment, parce qu'il repart au moment de la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il va penser se réinstaller aux États-Unis? Non, il était obligé de s'y installer au moment de la Deuxième Guerre mondiale, en effet, puisque les Américains devaient quitter Paris pour cause de guerre. Il y restera quelques années, mais il aura toujours envie de revenir à Paris. Paris, c'est pour lui le centre même de son de sa, à la fois de ses créations et de psychologiquement, c'est l'endroit qui lui convient. Mm-hmm. Alors il y a quand même une dernière femme dont il faut parler, parce qu'elle va rester quand même longtemps aussi dans la vie de Man Ray, c'est Juliette Browner. Il se console, il fait plus que se consoler, ça va être un nouvel amour dans sa vie. Oui, ça va être l'ultime femme de Man Ray qu'il a rencontrée aux États-Unis de manière fortuite, encore toujours comme il a laissé un petit peu le hasard faire. Et en effet, il est parti à Los Angeles. Et alors là, sur recommandation, il savait que cette jeune fille voulait être modèle. Modèle de Man Ray, c'était pas mal. Il l'a appelée, ils se sont rencontrés, ils ont vécu ensemble aux États-Unis. Elle est revenue avec lui. Dans ce fameux studio du 2 bis rue Férou, qui était une sorte d'atelier tout à fait humide et presque un peu insalubre, où finalement ils ont vécu pendant les dernières années de leur vie. C'est exact, oui. Alors il faut imaginer justement le 2 bis rue Férou comme une sorte de hangar qui avait été aménagé tout de même. Enfin, il faisait très froid l'hiver, c'était extrêmement compliqué. Et dans ce grand atelier cohabitaient tous les objets surréalistes de Man Ray. C'était une sorte de musée personnel. Il vivait là comme un guerrier primitif au milieu de ses fétiches, si on peut dire ça comme ça. Et en même temps, les fins de mois étaient difficiles. Il était très, c'est ça le paradoxe de la fin de vie de Man Ray, c'est qu'il était très célèbre, qu'il exposait partout. Et sans doute, les gens pensaient, c'est Man Ray, il doit être riche. Mm-hmm. Mais pas du tout. C'était pas facile. Et il passe des années difficiles aussi sur le plan de la santé. Les dernières années, il peut quasiment plus travailler parce que il a des problèmes de santé. Il meurt à Paris le 18 novembre 1976. Il est enterré au cimetière de Montmartre. On peut lire sur sa tombe « Unconcerned but not indifferent », détaché mais pas indifférent. Est-ce que c'est une maxime qui le résume bien ? Ça le résume pas mal, oui, je pense que ça le résume pas mal, dans la mesure où c'est un petit peu l'apparence qu'il pouvait donner, en étant comme une sorte de lutin, sautant d'une chose à l'autre et n'étant jamais attaché réellement, mais en réalité, c'était un hypersensible, donc il ressentait de manière très forte la réalité du présent. Merci beaucoup Serge Sanchez d'être venu nous parler aujourd'hui de la vie de Man Ray. Pour en savoir davantage, je conseille évidemment à nos auditeurs la biographie que vous lui avez consacrée dans la collection Folio Biographie des éditions Gallimard. Tout de suite, la chronique. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Chronique qui vous est proposée aujourd'hui par Jérôme Dupuis du magazine L'Express. Bonjour à vous Jérôme. Bonjour Mathieu. Vous nous parlez d'un ouvrage consacré à Jacques Kerouac aujourd'hui. En effet, on vient juste de célébrer le 50e anniversaire de la mort de l'auteur mythique de Sur la route. Et pour l'occasion, les éditions Tristram ont eu la bonne idée de rééditer une étonnante biographie de Kerouac, qui était déjà parue une première fois il y a une quarantaine d'années aux excellentes éditions Henri Verrier. Étonnante car en fait, ces deux auteurs, Barry Gifford et Lawrence Lee, ont rencontré très tôt, au cours des années 70, tous les proches du romancier et de la Beat Generation, les amis d'enfance de Kerouac, ses amants, ses amantes, ses amis, ses éditeurs. Ils ont aussi refait le parcours de Sur la route, de New York au Mexique, et de ce matériau très riche, ils ont en fait tiré ce que les Américains appellent une biographie orale, qui est essentiellement composée de confessions de première main. Alors qu'est-ce qu'on découvre dans cet ouvrage sur Jack Kerouac? Alors on découvre d'abord que ce jeune Jack, qui était un garçon au charme fou, champion de football américain, a très tôt été attiré par la littérature. Il avait créé un personnage, le docteur Zax. Et puis c'est quand il va arriver à New York qu'il va rencontrer une faune de mauvais garçons, d'esprit brillant aussi, notamment William Burroughs, un grand bourgeois qui carbure au payolt, à la morphine. Et ensemble, ce petit groupe, au moment de la guerre, va littéralement inventer une forme de bohème un peu déjanté. Ils partagent leurs appartements, leurs amants, leurs amantes, puisque nombre d'entre eux, comme Kerouac d'ailleurs, sont bisexuels. On trouve également dans cette petite bande un certain Neil Cassidy, qui est une sorte de double noir du romancier, une petite frappe, un vagabond magnifique, qui deviendra d'ailleurs le personnage principal de son plus célèbre roman. Mais c'était pas une bohème, une fausse bohème, puisque l'un des membres de la bande sera arrêté pour meurtre. Et puis on se souvient aussi que William Burroughs tuera accidentellement son épouse en tirant sur une pomme qui avait été posée sur la tête de cette dernière. Et alors qu'est-ce que ce livre nous apprend cette fois sur l'écrivain Jack Kerouac? En fait, il était issu de la classe moyenne, il vivait dans une petite ville de Nouvelle-Angleterre, mais il a été très tôt attiré par la littérature, il a inventé très jeune beaucoup de jeux littéraires, mais c'est évidemment la rencontre avec ses amis new-yorkais, et surtout avec Burroughs, qui vont lui faire découvrir des auteurs beaucoup plus littéraires, comme Shakespeare, Pound, ou même, plus étonnant, le philosophe allemand Oswald Spengler, qui le marquera beaucoup. Et puis, un beau jour, si j'ose dire, en avril 1951, Kerouac se met à sa machine à écrire et commence à écrire sur un long rouleau de papier de 40 mètres. Et l'ouvrage qui s'intitule On the Road, donc sur la route, raconte sa traversée des États-Unis avec Neil Cassidy. Mais étrangement, son éditeur habituel, Harcourt Brace, le refuse, trop novateur, trop cru. Et il lui faudra quand même 6 ans pour parvenir à publier ce chef-d'œuvre chez un autre éditeur, et encore avec des coupes, des remaniements auxquels il finit par consentir. Cela dit, dès que le roman paraît, c'est un roman culte. Alors, est-ce que cet ouvrage de Barry Gifford et Lawrence Lee vous semble le livre définitif sur Kerouac? À mon avis, il pourra difficilement être égalé par sa précision, son intensité. Ces vies parallèles de Jack Kerouac font partie des très rares biographies qui sont à la fois vivantes et rigoureuses. Et puis, par son caractère très oral, on a littéralement l'impression d'y être, de partager les chambres sordides de Chelsea avec l'écrivain ou de sauter dans un train vers l'ouest avec Neil Cassidy. Les deux auteurs ne mythifient pas non plus Kerouac, ce qui est agréable. Ils ne cachent pas son instabilité sentimentale ou son addiction à l'alcool, en l'occurrence le tokai, qui finira par avoir sa peau en 1969. Enfin, il livre en fin de volume une très exhaustive table de correspondance des personnes réelles qui ont inspiré les personnages des romans de Kerouac, ce qui est très très utile. Enfin, par la richesse des témoignages bruts qu'ils ont recueillis, ils restituent surtout admirablement la grâce unique de l'auteur de Sur la route. Merci beaucoup Jérôme Dupuis du magazine L'Express. Les vies parallèles de Jack Kerouac, traduit par Brice Mathieu Sainte, sont éditées par Tristram. C'était La Compagnie des œuvres, Didier Pinoine, Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et U2 Diego Ac Lopez. suite de notre série consacrée à Man Ray, dont nous parcourons l'œuvre avec Emmanuel Delécoté. Et tout de suite, on trouve les sciences.